Alors, comment ça se passe ton business en ligne pour les fêtes ? Bien, j'ai plein de commandes et mes clients sont impatients de recevoir leurs colis. Passe par Colissimo Facilité, ils seront livrés en 48 heures. C'est plus de sérénité pour toi et de satisfaction pour tes clients. Découvrez Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne de La Poste dédiée aux professionnels pour faciliter l'envoi et le suivi des colis. Et jusqu'au 31 décembre, profitez de moins 10% sur vos envois pendant 6 mois. Renseignements au 3634 ou à La Poste. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'étrange destinée et le courage édifiant d'un certain Félix Karsten. Il est ce qu'on appelle un juste, en deux mots bien sûr, autrement dit, un homme qui a sauvé les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était un masseur qui comptait parmi ses patients très réguliers Heinrich Himmler en personne, le chef des SS et bras droit zélé d'Hitler. L'histoire semble invraisemblable, elle est pourtant vraie. Après la guerre, Karsten est accusé de complicité et de collaboration à cause de sa proximité avec le chef des SS. Pourtant, entre mars 1939 et avril 1945, il n'a cessé de collecter des informations auprès du dignitaire nazi afin de déjouer ses plans contre les Juifs d'Europe. Avec audace et sang-froid, il a ainsi permis à des dizaines de milliers de personnes d'échapper à la mort et à la torture. Sans secret, sa méthode, faire croire à Himmler qu'il partage l'amitié que celui-ci lui offre, tellement soulagé que le masseur soigne ses douleurs abdominales. Alors, le SS se confie sur ses plans criminels, Karsten recueille l'information et agit. Une épopée que le grand Joseph Kessel a racontée dans son livre intitulé « Les mains du miracle » publié en 1960. Notre invité aujourd'hui, Marie-Bénédicte Vincent, professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Franche-Comté, spécialiste de l'histoire de l'Allemagne et du nazisme. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Judith Chétrit, coordination Franck Cognard, attachée de production Rebecca de Nantes, réalisation Hélène Bisio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Nous sommes entre la fin mars et le début avril 1945. La fin de la guerre approche, l'armée rouge avance rapidement en Allemagne, les canons russes entourent Berlin. À Hambourg, au nord du pays, Klaus Müller est un adolescent qui vit dans un faubourg du sud de la ville, tout près de la forêt de Sachsenwald, qui abrite le mausolée du prince Bismarck, le grand unificateur allemand de la fin du 19e siècle. Klaus Müller observe des routes remplies de réfugiés, des civils, des soldats qui désertent. Et au milieu de ce chaos, des voitures se distinguent. J'ai vu aussi un beau jour une colonne de camions et de l'autobus, aussi en couleur blanc, avec les couleurs suédoises, et avec des voyageurs très faibles, très amaigris, encadré par quelques gens en uniforme qui éclairent. Et il y a de bruit que c'était le comte Bernadotte ou un comte suédois, un autre dignitaire du gouvernement suédois et son équipe qui sont en train d'évacuer des femmes et des enfants du camp de concentration. Et à ce moment-là, tout le monde était dans la rue pour faire des achats, etc. Et donc, tout le monde s'arrête pour voir passer cette colonne. Et un d'entre eux, die haben es gut, ça veut dire, ils ont de la chance de sortir maintenant, n'est-ce pas? À bord de ces bus blancs, ce sont des détenus de plusieurs camps de concentration qui se dirigent vers la Suède, pays neutre, en passant d'abord par le Danemark. Dans cette centaine d'autocars, ils sont les bénéficiaires d'une incroyable opération de sauvetage conduite par la Croix-Rouge suédoise dans les dernières semaines de la guerre. Beaucoup de ces passagers, stupéfaits, ignorent les dessus de cette expédition. Ce sont majoritairement des Danois, des Norvégiens, alors rassemblés au camp de Neuengamme. Mais pas seulement. Il y a des centaines de Françaises et des déportés juifs des camps de Theresienstadt et de Ravensbrück. Profitant de l'affaiblissement de la puissance allemande, les instigateurs de cette opération humanitaire ont pu planifier ce sauvetage de masse. Cette intervention fait suite à une intense négociation entre plusieurs intermédiaires. Et il se trouve que la diplomatie suédoise, très active dans cette opération, a trouvé un appui on ne peut plus efficace en la personne de Felix Kersten. Depuis 1939, ce masseur finlandais a gagné la confiance d'Heinrich Himmler grâce aux soins qu'il lui prodigue pour soulager ses crampes abdominales. En vérité, ce sont les amis hollandais de Kersten qui l'ont convaincu de l'intérêt d'avoir un tel patient, même si cette promiscuité est douloureuse, comme il le raconte à l'écrivain Joseph Kessel pour son livre « Les mains du miracle ». Kersten, d'abord, son premier réflexe a été de refuser. Et puis, pressé par de nombreux amis et aussi encouragé par l'état-major des Pays-Bas, parce qu'il vivait en Hollande et aimait beaucoup ce pays, il avait soigné le mari de la reine Wilhelmine. Et à l'état-major, on lui a demandé en somme comme un service d'approcher Himmler pour avoir peut-être des renseignements. Dont acte, Kersten soignera Himmler. Alors imaginez la scène. Très régulièrement, Kersten se retrouve seul à seul avec le monstre qui, au fil des jours, construit une relation de confiance, amicale même. À ceci près que ce n'est que dans un sens. L'amitié d'Himmler, Kersten n'en a que faire, mais ce sera pour lui un moyen d'agir. Car en même temps qu'il palpe ce corps flasque, comme il le dit lui-même, il prête une oreille très attentive à ce qui se trame dans les milieux économiques et intellectuels berlinois. En 1939, Kersten vit entre ses deux cabinets, à Berlin et à La Haye. Il reconnaît lui-même s'intéresser assez peu à l'actualité brûlante du continent. Tantôt inquiet, tantôt indifférent, il est l'un des témoins de la montée du nazisme en Europe et de ses ambitions criminelles, un témoin seulement. Kersten est comme un concentré d'Europe. Une mère balte, un père allemand, une naissance à l'aube du XXe siècle sur un territoire sous occupation russe qui deviendra l'Estonie. Lui a obtenu la nationalité finlandaise après avoir brièvement combattu pour défaire ce pays de la domination russe entre 1918 et 1919. En Finlande, il apprend ses premiers massages pour soigner les soldats blessés. Quelques années plus tard, son certificat en poche, il rentre à Berlin, s'inscrit en faculté de médecine et travaille auprès du docteur Ko, l'un des rares professionnels à pratiquer des méthodes de médecine chinoise et tibétaine. Sa patientèle est majoritairement bourgeoise. Et comme elle en a les moyens, elle afflue pour ses massages considérés plus profonds et qui font la fortune de Kersten. C'est justement l'un de ses patients, l'industriel August Dean, qui lui demande de se rendre au QG des SS pour y rencontrer Himmler. Kersten appréhende. Il accepte tout de même une première consultation, on verra pour la suite. Or, Himmler souffrait d'une maladie qui n'avait rien de dangereux au point de vue organique, mais qui lui donnait des souffrances intolérables. Kersten m'a dit, parce que j'ai vécu avec lui 2 mois pour écrire ce livre, m'a dit qu'il avait des crampes du sympathique qui, paraît-il, sont parmi les souffrances les plus déchirantes du monde. Oui, quoi, qu'il se roulait par terre, il s'évanouissait. Il avait tâté de tous les grands médecins connus en Allemagne et ailleurs, il avait essayé tous les médicaments et la morphine elle-même ne pouvait agir qu'à des doses qui devenaient dangereuses. Alors, il a donc demandé à Kersten de venir le soigner. Et en 5 minutes, par cette trituration des nerfs qu'il avait appris de ce Tibétain qui était à la fois lama et docteur, il a arrêté les souffrances. C'était vraiment comme un miracle. Faute de traitement classique, le soulagement intermittent que Kersten apporte à Himmler n'atténue pas pour l'instant sa méfiance envers cet homme qui a quasiment le même âge que lui, la jeune quarantaine. Quelques jours avant cette première consultation, à la mi-mars 39, l'armée allemande est entrée à Prague. Heinrich Himmler, lui, est Reichsführer SS, le plus haut titre de cette organisation. Il supervise la répression des opposants et désigne les juifs comme les ennemis du peuple allemand. En vérité, il pense et dit ce que pense et dit son maître, Hitler. Sous ses airs désinvoltes, Kersten lui a bien conscience qu'il est dans l'antre du mal absolu, et même dans son intimité. Plus Himmler souffre, plus les séances deviennent régulières. Au siège berlinois de la SS, au numéro 8 de la Prince Albert Strasse, l'apparition de cet homme corpulent à l'accent nordique ne passe pas inaperçue. Et peu sont au courant des douleurs abdominales du chef. En tout cas, le laissez-passer délivré fin août 39 facilite grandement les déplacements de Kersten et surtout lui vaut protection. Alors, régulièrement, Kersten reçoit des appels catastrophés du bureau d'Himmler lorsque les douleurs le tenaillent à l'estomac. Quel dilemme pour le masseur. Alors il trouve une formule. Il ne recevra pas d'argent de la part d'Himmler. De toute façon, il pressent que son travail sera rémunéré autrement. Tout habitué que fut le docteur à la surprise, à la gratitude ravie chez ses malades, quand il les délivrait de tourments dont il n'espérait plus guérir, le comportement de Himmler le laissait stupéfait. Détendu, relâché, détrempé, sous les mains du docteur, en proie à une béatitude comparable encore à celle des intoxiqués et qui abolissait les réflexes de prudence, de garde. Himmler avait besoin d'abandon dans la mesure même où, à l'état normal, il se méfiait morbidement de tout et de tous. Ses confidences, il les faisait toujours pendant les traitements. Kersten avait pour règle de laisser, toutes les 5 minutes environ, quelques répits aux nerfs qu'il venait de triturer. Dans ces intervalles, pour détendre son malade et se détendre lui-même, Kersten engageait la conversation. Heinrich Himmler lui propose de le nommer colonel SS afin de l'avoir en permanence à ses côtés. Une proposition que Kersten décline, parfaitement lucide sur la nature de la relation qu'il noue jour après jour avec le chef nazi, comme en témoigne encore Kessel. Nous arrivons ainsi en mai 40, où la Hollande est brutalement envahie et où Kersten devient un exilé de Hollande parce que les nazis hollandais le détestaient comme ami de la cour, de l'état-major et de tous les gens qui voulaient l'indépendance de la Hollande. Il est donc forcé de vivre en Allemagne. Et son premier mouvement encore est de partir, de laisser Himmler. Il va à l'ambassade de Finlande pour demander son visa pour s'en aller. À l'ambassade de Finlande, on lui dit non, vous devez rester parce que nous savons que vous avez la confiance et vous commencez à avoir de l'influence sur Himmler, vous pouvez servir votre pays, considérez-vous comme mobilisé, vous devez rester. Et voilà donc prisonnier de Himmler. Sans uniforme, torse nu allongé sur le dos, Himmler est un monsieur tout le monde, qui se confie sur ses douleurs, bien sûr, mais aussi sur son fanatisme pour Hitler, et qui s'agace quand il sait que son Bouddha magique, comme il l'appelle Kersten, continue de soigner des patients juifs. Dans une Europe en partie occupée, la neutralité est toujours un peu trouble. Alors que l'armée allemande gagne du terrain, Himmler voyage de plus en plus pour s'assurer de l'état des troupes, mais aussi pour superviser la mise en place des camps de concentration. Pendant ce temps, à Berlin, le masseur entreprend sa grande mission avec un stratagème raconté par son fils. Il mit au point un système. Himmler's letterbox. Le courrier que recevait Himmler ne pouvait être ouvert que par lui ou son assistant, le docteur Brandt. Mon père demanda à ses amis hollandais de lui écrire à l'adresse postale d'Himmler. Ainsi, le courrier qu'il recevait chez Himmler n'était pas censuré. Les lettres qu'il recevait lui étaient remises en main propre. Ses amis pouvaient donc l'informer des personnes qui avaient été arrêtées. Et pour plus de précautions, ils utilisaient des codes. Une personne arrêtée était décrite comme souffrante ou hospitalisée. C'est comme ça que mon père a pu entretenir une correspondance secrète pendant la guerre. Il avait aussi demandé à ses amis de parfumer les lettres. Comme cela, si Himmler l'interrogeait, il dirait que c'était ses maîtresses qui lui écrivaient des mots doux. Depuis l'été 40, des proches de personnes arrêtées en appellent à la médiation de Kersten pour les faire libérer ou gracier d'une condamnation. Dans les lettres qu'il reçoit figurent les noms de tous ces malheureux, emprisonnés, torturés et envoyés en camp de concentration. Chaque séance entre Kersten et Himmler apporte son lot de confidences. Mais impossible de les consigner devant le nazi, évidemment. Alors, Kersten recopie des bribes cachées dans sa cave. Et il se fait surveiller, notamment par Reinhard Heydrich, l'adjoint direct de Himmler, qui deviendra le préféré d'Hitler. D'ailleurs, Kersten a déjà remarqué que des hommes le suivaient. Et il connaît l'extrême dangerosité de sa mission. Mon père était un casse-tête pour la sécurité et la police secrète. Leurs hommes voyaient aller et venir un étranger, un civil, qui disait poliment bonjour à tout le monde et entrait chez le Reichsführer comme dans un moulin. Ils n'avaient même pas à montrer patte blanche. Ensuite, ils passaient des heures enfermés avec Himmler dans son bureau, sans que personne ne sache ce qui s'y passait ou ce qui s'y disait. Cette situation ennuyait considérablement Heydrich. Beaucoup de gens, comme lui, auraient souhaité que ces allées et venues cessent. Mais les ordres d'Himmler devaient être respectés à la lettre. Heydrich s'obstinait à tenter de savoir ce qui se passait. Pendant les soins que prodiguait mon père, de temps en temps, il frappait à la porte et entrait immédiatement sans attendre de réponse. Il prenait comme prétexte des papiers insignifiants à faire signer à Himmler. Comme ça, il pouvait surveiller l'intrus. Forcément, Félix Kersten apprend aussi à maîtriser l'art de la manipulation mentale cette fois. Alors il se rend indispensable auprès d'Himmler, fait appel à la gratitude pour les soins qu'il apporte, décèle la fébrilité et les faiblesses de son interlocuteur, et c'est là qu'il s'engouffre dans les brèches. C'est là qu'il choisit le moment opportun pour glisser ses requêtes concernant les Juifs. Parmi les noms qui lui sont communiqués, il faut choisir les cas les plus défendables. Et répétons-le, la libération de ces femmes et de ces hommes servira d'honoraire aux médecins. Petit à petit, des gens lui demandent d'intervenir pour sauver... La première fois, c'était un pauvre diable de contremaître social-démocrate qui, uniquement parce qu'il était social-démocrate, avait été mis dans un camp de concentration. Il a peur, il ne veut pas le faire, et puis, un jour, l'occasion se présente, il le demande et il voit avec stupeur que c'est accordé. Bon, et puis, il demande de plus en plus... Et chaque fois, il le demande, remarquez bien, quand Himmler est malade. Parce qu'il m'a dit que jamais il n'a obtenu de Himmler une grâce quelconque quand l'autre était bien porté. Un jour, Kersten s'en va directement voir Hans Albin Rauter, le plus haut responsable SS aux Pays-Bas, pour réclamer la libération d'une connaissance soupçonnée de trahison à un antiquaire, Charles Bignel, à la tête d'une maison d'enchères. Kersten le dit innocent et menace d'appeler Himmler. Le chantage fonctionne. Himmler a bien trop peur de perdre son thérapeute et Rauter a peur d'Himmler. C'est que tous ces dignitaires nazis se haïssent, tous sont jaloux les uns des autres. D'autres fois, Kersten fournit une liste plus importante avec des noms dont il assure être l'ami personnel pour prouver leur qualité. Il obtient ainsi une peine moins lourde pour le directeur de la compagnie aérienne hollandaise KLM par exemple ou pour le recteur de l'université d'Oslo. Cette clémence ponctuelle tranche avec l'horreur de masse orchestrée par Heinrich Himmler, car c'est bien lui qui organise la machine à tuer. En 1941, des massacres à plus grande échelle ont déjà eu lieu, l'élimination de patients d'asile psychiatrique polonais également, les premières déportations de juifs aussi, l'expérimentation du gazage de prisonniers soviétiques avec le cyclone B, celui qui sera utilisé pour les meurtres de masse en camp de concentration. Dans certains cercles, on parlait à voix basse des abominations qui se dérouleraient constamment dans ces camps. Mais tout cela était enveloppé d'un épais voile de secret. J'avais l'impression que ceux qui en savaient plus se taisaient. Et chaque fois que j'essayais d'en savoir davantage auprès de Himmler ou de son entourage, on me répondait invariablement qu'il s'agissait d'établissements de rééducation où les malfaiteurs étaient convertis en citoyens honorables et utiles à la société. On me certifiait en outre que les détenus de ces camps étaient convenablement traités. Du reste, on m'a conjuré plus d'une fois de ne pas importuner Himmler avec ses affaires de camps de concentration, car il aurait certainement pu prendre en mauvaise part des questions de ce genre, venant d'un étranger. À vrai dire, le système concentrationnaire est déjà rodé en 1942. Et Himmler se démène dans l'accomplissement de sa funeste mission. Les camps d'extermination de Belzec, Sobibor et Treblinka sont opérationnels. Le 17 juillet, c'est au camp d'Auschwitz-Birkenau qu'Himmler se rend pour superviser le gazage de 449 juifs néerlandais. Une photo le montre aux côtés du commandant du camp, Rudolf Höss. Une dizaine de jours plus tard, c'est un autre stratagème qu'imagine Kersten pour obtenir plus d'informations de la part de Himmler. Il prétend avoir rencontré deux journalistes suisses à l'ambassade finlandaise de Berlin. C'est en tout cas ce qu'il raconte à Kessel. Ceux-ci, détaille-t-il, lui ont montré des photos de torture dans un camp de concentration récupéré auprès de gardes SS. Himmler y croit. Il veut racheter ces images pour éviter la fuite. c'est à la fois un châtiment légitime pour eux et un exemple pour les autres. L'avenir nous donnera raison, se justifie-t-il. Mais il n'en parle jamais, en public ou alors, avec des mots qui ne disent pas l'horreur. On appelle ça la Transprache, une méthode qui euphémise, qui périphrase, qui parle d'évacuation plutôt que d'extermination. Surtout lorsqu'il s'agira d'effacer les traces de l'horreur. Extrait, rare, d'un discours d'Himmler, enregistré le 4 octobre 1943 devant des généraux SS, où là le langage est bien plus direct. Nous devons en parler entre nous, mais jamais le mentionner en public. Je veux parler de l'évacuation des Juifs, de l'extermination du peuple juif. Voilà une chose qui est facile à dire. Le peuple juif sera exterminé. C'est dans nos projets. Nous éliminerons les Juifs, les exterminerons. La plupart d'entre vous savent ce que c'est que 100 cadavres entassés, ou 500, ou même 1000. Ah, la belle affaire! Être passé par là et être resté convenable, cela nous a endurcis. C'est une page glorieuse de notre histoire qui n'a jamais été écrite et ne le sera jamais. Himmler, comme toute la clique autour d'Hitler, est totalement mégalo. Une scène racontée par Kessel le prouve. Un jour, Kersten scrute la bibliothèque d'Himmler et découvre une Bible. « De quoi s'agit-il ?» demande ma sœur. « J'écris la nouvelle religion du Reich », lui répond Himmler. Plus la situation militaire est défavorable aux Allemands, plus le chef nazi est sous pression, et plus les concessions qu'il accorde à Kersten sont nombreuses entre 1944 et 1945. Elles concernent surtout des notables et des aristocrates européens, arrêtés seuls ou en famille. Las, après avoir obtenu la confirmation de la libération de 3 ingénieurs suédois, Kersten part pour Stockholm juste avant Noël 1944. Sa dernière correspondance de l'année avec Himmler est une ultime supplication. Pour finir, j'aimerais, très honoré Herr Reichsführer, vous rappeler également nos discussions au sujet des Juifs. Je vous avais prié d'en libérer 20 000 du camp de Theresienstadt et de leur permettre d'aller en Suisse. Malheureusement, vous m'avez dit que vous ne pourriez le faire en aucun cas, mais que vous étiez disposé à permettre que 2 000 à 3 000 Juifs soient libérés et transportés en Suisse. Au cas où la presse mondiale ne considérait pas cela comme un aveu de faiblesse de la part de l'Allemagne, vous seriez disposé à poursuivre vos négociations à ce sujet dans un esprit de grande bienveillance. Je vais reprendre demain l'avion pour la Suède avec un cœur plus léger. Car je sais que vous voudrez absolument tenir les promesses que vous m'avez faites. Across the border, we were cautioned to surrender. This I could not do. Into the hills I vanished. I have changed my name. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Vers la fin de la guerre, en Suède, et à l'image du ministre des Affaires étrangères, Christian Günther, le gouvernement réfléchit depuis plusieurs mois à la négociation d'une vaste opération de rapatriement. Le comte Berlet, vice-président de la Croix-Rouge et neveu du roi de Suède Gustave V, est mandaté pour en organiser la logistique après avoir participé plus tôt à une opération d'échange de prisonniers. Il s'agit là de trouver le responsable allemand qui serait prêt à faire quelques concessions. Et Karsten est évidemment sollicité, comme le restitue l'historien Stéphane Martins. Fin 44, début 45, longtemps après Stalingrad, c'est après le débarquement, ça veut dire que la situation de la guerre est tout à fait différente. On sait qu'en principe, le tournant de la guerre, c'est en principe 42-43, et avec le débarquement, même pour les autres pays, comme la Suisse, la Suède, ils se posaient la question, est-ce qu'il fallait vraiment continuer sur un niveau tout à fait neutre, ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt se décider d'intervenir et de profiter de l'évolution de la guerre pour peut-être faire quelque chose en faveur des prisonniers dans les camps. À l'hiver 45, sur le front de l'Est, l'armée rouge avance comme un rouleau compresseur. Il se murmure qu'Hitler, depuis son bunker où il s'est enfermé depuis janvier, a donné l'ordre à Himmler de faire exploser sous peu les camps de concentration, pour effacer les preuves de leur ignominie. Ailleurs, des marches de la mort ont déjà débuté. Ce sont d'horribles transferts de prisonniers qui l'ont fait parcourir des centaines de kilomètres à pied, dans le froid et dans la nuit, malgré leur état physique totalement délabré. Alors, ils meurent par milliers. À chaque kilomètre, ils tombent encore, sans vie. Joseph Kessel raconte que Karsten arrive à faire en sorte qu'Himmler ne transmette plus l'ordre de transfert des déportés dans des conditions habituelles inhumaines. Dans son livre, il est même question d'un hallucinant contrat au nom de l'humanité. Ce document n'a jamais été retrouvé, laissant le mystère planer sur la teneur de cette promesse. Pendant ce temps, les négociations suédoises avancent. Dans la plus grande discrétion, une première rencontre se déroule entre Himmler et Bernadotte, mi-février. Il est d'abord question de rassembler les détenus danois et norvégiens dans le camp de Neuengamme, près de Hambourg. Puis une autre négociation démarre, quelques semaines plus tard, pour faire évacuer les prisonniers en Suède lorsque la guerre sera terminée. Karsten continue de relayer la demande suédoise du comte Bernadotte, mais après être rentré en Suède, il veut voir plus loin, plus grand. Les Suédois aussi, pourquoi ne pas les inclure, ainsi que des Hollandais, des Belges, des Français, y compris des Juifs, et les installer dans les bus blancs de la Croix-Rouge qui pourraient également se rendre dans d'autres camps. Une rencontre improbable se profile. À l'aéroport de Stockholm, le 19 avril en effet, un avion allemand attend Karsten. Il est accompagné de Norbert Mazur, le représentant suédois du Congrès juif mondial, qui a longuement hésité, puis accepter courageusement d'embarquer avec Karsten pour partir vers l'Allemagne. Pendant l'un de ses ultimes soins auprès d'Himmler, le masseur a déjà obtenu son accord pour une rencontre confidentielle avec Mazur, un juif. Avril 1945. Pour la capitale du Reich, c'est le commencement de la fin, d'une fin terrible. Pour la liberté et la vie, disent les affiches, le Volkssturm, la levée en masse, a été ordonné par Hitler. Tout ce que la ville compte encore d'hommes valides est enrôlé. Des enfants de 13 à 16 ans, des hommes âgés, voire des vieillards. Le déluge de feu venu du ciel ne se ralentira plus. La DCA et la chasse allemande vivent à Berlin alerte sur alerte. En avril 45, ce vol de Karsten est déjà un risque considérable. Les avions militaires des Alliés frappent fort à la veille de l'anniversaire d'Hitler. En fin de journée à Berlin, où Karsten et Mazur atterrissent, les bombardements sont massifs. Dans la maison de campagne de Karsten, l'attente est longue. Finalement, Himmler arrive, au milieu de la nuit, apparemment bien parti pour un monologue sur la justesse de son action, le sens de sa discipline, et il continue de parler des camps de rééducation, faisant peu de cas des reproches qui lui sont adressés sur le nombre de juifs tués. Et Karsten ne se démotive pas. C'est bien maintenant qu'il faut agir pour les femmes des camps de Theresienstadt et de Ravensbrück, quitte à ce que ces juives soient appelées polonaises pour éviter tout risque. Himmler confirme son accord, à deux reprises, à Kersten, mais aussi au comte Bernadotte, rencontré le lendemain. Les bus peuvent enfin circuler, le sauvetage commence. Un chauffeur se souvient. Et vous savez, les femmes qui est venue pour être chargée dans les autobus a eu à ce temps aucune idée de cette opération. Nous avons chargé le matin vers 5 heures, comme ça. Et ce soir, nous sommes revenus à la frontière à Danemark, où nous avons déchargé les Françaises, c'était 800 Françaises, qui ont hurlé la Marseillaise. Hurlé, vraiment. C'était quelque chose vraiment touchant. Oui. Et après ça, ils sont venus par train en Suède. Il est difficile d'établir un recensement exact, précisément chiffré, pour savoir combien de personnes ont été sauvées lors de cette opération. Plusieurs milliers, très certainement. Les estimations les plus hautes montent jusqu'à 15 000. À la fin de la guerre, évidemment, il est plus facile d'en parler. La Suède en fait surtout une fierté nationale. Le comte Bernadotte a déjà commencé à écrire un livre sur ses négociations humanitaires en Allemagne. L'ouvrage, intitulé « La fin », est traduit en anglais. C'est un grand succès. D'autres traductions sont lancées. Mais Kersten voit bien que l'histoire est réécrite. Comme d'autres personnages de l'époque, son nom n'est écrit nulle part. Et depuis plusieurs mois sur le territoire, Kersten n'a pas eu de retour sur sa dernière action. Ses contacts au gouvernement ont changé. Une nouvelle coalition social-démocrate s'est formée. Le pays doit retrouver son unité et sa solidarité surtout. Beaucoup voient Kersten comme un masseur collaborateur. Comme l'explique son fils, on le soupçonne surtout d'affabulation pour sauver sa peau. Quand il commence sa nouvelle vie en Suède, la situation est assez bizarre. Mon père est accusé d'être un nazi. Et les autorités ne veulent pas lui donner de titre de séjour ni de permis de travail. Ils ont essayé de l'expulser en Finlande. Ils lui disent qu'ils ne veulent plus de lui ici. Mon père était isolé dans un pays étranger. Il était très attristé par cette situation. Il décida de prendre contact avec la reine de Hollande via son ambassadeur en Suède. Il leur demanda de l'aide. « Aidez-moi à sauver mon honneur, je ne suis pas un escroc. » La reine de Hollande donna des instructions à son ambassadeur, qui plaida sa cause auprès du roi de Suède. Elle ajouta que toute accusation contre mon père serait considérée comme une accusation contre sa personne. Aux Pays-Bas, un historien, Nicolas Postumus, dirige l'Institut néerlandais de documentation sur la guerre. Son travail nourrit la commission parlementaire qui enquête sur les actions des diplomates et fonctionnaires néerlandais pendant l'occupation allemande. En 1947, il décide de creuser la question Félix Kersten. Il voyage en Suède, en Finlande. Il rencontre également des résistants, mais aussi le secrétaire d'Heinrich Himmler, Rudolf Brandt, ou encore un ancien SS en charge de l'espionnage, Walter Schellenberg, qui sont emprisonnés à Nuremberg. Himmler, lui, lâche jusqu'au bout, s'est suicidé en mai 45. Des représentants suédois du Congrès juif mondial font parvenir à Postumus une note décisive. Ils évaluent le nombre de personnes sauvées à 60 000. Kersten, écrivent-ils, ne nous a jamais refusé son aide, si difficile qu'était sa situation. Ces entreprises de sauvetage ont revêtu une importance considérable durant cette période de souffrance suprême dans notre histoire. Lorsque le professeur Postobus rencontre Kersten, celui-ci lui montre une partie de documents qu'il a réussi à faire sortir d'Allemagne. S'ensuit une enquête longue et minutieuse. Elle aboutit en janvier 1950 à la reconnaissance de la plupart des actes de Kersten en faveur des Hollandais et plus globalement pour d'autres pays européens. La nationalité suédoise lui est également accordée. Mais des zones d'ombre et des contradictions demeurent. Avant sa mort, en 1960, Kersten aurait quelque peu enjolivé certains de ses récits ou passé sous silence certains détails. Dans sa nécrologie, le magazine Time le qualifiera subtilement de figure humaine et émouvante, gravitant dans la hiérarchie supérieure de l'Allemagne nazie. Un hommage plus que nuancé. L'histoire serait-elle injuste avec ce juste ? De Félix Kersten, dont nous parlons avec notre invité Marie-Bénédicte Vincent. Bonjour. Bonjour. Professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Franche-Comté, vous êtes membre du Centre Lucien Febvre. Votre dernier livre, publié en octobre dernier aux éditions Perrin, est consacré celui-là à Kaltenbrunner, le successeur de Heydrich, jugé à Nuremberg, condamné et pendu. Quel est votre regard d'historienne, je dis bien d'historienne, sur cette histoire, Kersten? Je dirais que cette histoire est très intéressante pour essayer de comprendre quel est ce qui se joue à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour les hauts dirigeants nazis. C'est-à-dire, ils doivent à la fois tenir leur rang de dirigeants nazis et leur poste de pouvoir, et en même temps penser déjà à l'après, puisqu'ils sont lucides, ils savent que la guerre est perdue, et ils pensent donc à sauver leur peau et à exister après. Donc, toutes ces manœuvres qui sont décrites dans votre documentaire se plaçaient évidemment du côté le plus intéressant, on pourrait dire, c'est le sauvetage des Juifs, mais on peut aussi la voir de l'autre côté, c'est-à-dire, qu'est-ce que Himmler... quel est son intérêt? Alors, au-delà de se faire soigner et de remercier son masseur, ce qui est un argument fort, hein, et qui, que je ne remets pas en cause, pour lui, il joue sa situation dans l'après-guerre et il cherche à sauver ce qui reste à sauver. Il va se servir des Juifs comme d'une monnaie d'échange, une monnaie de négociation. Il n'est absolument pas pétri de motifs humanitaires, hein, ça c'est pas du tout son, il renie en rien son idéologie, mais il dit là, j'ai un, il parle d'ailleurs de capital à un moment, il dit les Juifs c'est mon meilleur capital pour négocier. Et donc il va essayer de s'attirer, entre guillemets, les bonnes grâces, ça va trop loin, parce qu'il sait que son image est exécrable à l'étranger, mais du moins des marges de négociation possibles avec les alliés occidentaux pour l'après-guerre, que occidentaux, puisque son idée à Himmler, comme pour d'autres dirigeants nazis, c'est de signer une paix séparée avec donc, les alliés occidentaux pour continuer la guerre contre le vrai ennemi, qui est le bolchevisme. Soviétique. La lecture du livre de Joseph Kessel, La main du miracle, et Les mains du miracle, est évidemment très troublante. Elle est très troublante dans l'exposé des relations que les deux nouent. Alors, pour Himmler, si je comprends bien Kessel, c'est une relation d'amitié. À un moment, on voit qu'il passe la frontière de celui qui le soigne vers l'amitié pour celui qui le soigne. Et on imagine la position de Kersten, qui doit être infernale. De quoi est construite cette relation? Bon, je dirais que il y a, dans cette question, derrière ça, il y a l'idée de... Quel est le personnage Himmler, hein, en fait. Oui. Donc on a l'homme qui tient l'appareil de la SS et qui tient les forces de police et qui est finalement l'homme le plus puissant à ce moment-là du Troisième Reich après Hitler. Mm-hmm. Et en même temps, on voudrait savoir quel est l'humain derrière, enfin, quel est l'homme. Et donc, de plus en plus, les chercheurs s'intéressent à ces questions. Et donc là, il y a la question de l'amitié avec Kersten. Et puis, on a redécouvert plus récemment les relations qu'il avait avec son entourage proche, notamment la découverte très récente là, de sa correspondance avec sa femme, sa vie de famille, etc. Donc on essaie de voir comment ça a pu fonctionner ensemble, c'est-à-dire un côté un peu schizophrénique de celui qui veut être le bon père de famille, celui qui souhaite bon anniversaire à sa fille, qui envoie des cadeaux à Noël, et en même temps celui qui assassine les Juifs. C'est l'image d'Hitler Berkov qui embrasse des enfants. Quoi. C'est ça. Ça rejoint ça. Et donc avec Kersten, la question c'est comment c'est possible que se noue la relation de confiance, puisqu'a priori, il n'est pas dans le sérail, Kersten. Alors, ah oui, d'ailleurs, les autres se méfient de lui. Tout à fait. Et puis, il se fait surveiller par la police. Heydrich. Heydrich, qui est pourtant qui est le second de Himmler, puisque Heydrich, il tient l'appareil de sécurité. Enfin, c'est vraiment le. Il a déjà les bonnes grâces d'Hitler. Hitler en fait quasiment son préféré, son espoir. Et quand ce Heydrich est tué par des partisans tchécoslovaques. Oui, en juin 42, oui. En juin 42, Hitler devient fou de rage et, dit-on, de douleur. C'est ça. Et le poste reste vacant jusqu'à l'arrivée justement de Kaltenbrunner. Voilà. Alors, Kersten, je dirais que, bon, il a, je pense que son origine géographique, c'est pas dit comme ça par Kessel, mais je crois qu'il vient de Livonie, donc Estonie. Oui, enfin, ce qui serait, c'est une région qui maintenant est la ville de Tartu, c'est Estonie. Et ça, c'est une région, c'est les Allemands, ils disent les Baltes. Et les Baltes, c'est pétri de culture germanique dans l'histoire. Mmh. Et donc, pour les nazis, c'est très positif. Il y a un a priori positif. Les Baltes, hein, c'est... Alors ça, c'est fréquentable, quoi. Oui, tout à fait. Contrairement aux Hollandais, à qui les nazis en voulaient énormément, et c'est pour ça que les Hollandais ont tant souffert. Exact. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a, l'origine balte, ça doit jouer. Mmh. Bon, ensuite, il y a la relation ma sœur, hein, qui est là, qui joue, ouais. Qui joue. Et puis Hitler, donc Himmler, c'est dit dans le documentaire, donc il y a la reconnaissance après le soulagement éprouvé, l'absence de douleur, qui fait qu'il va lâcher certaines choses. Mais on ne pourrait pas s'en tenir là. En fait, je dirais que ça s'inscrit dans un processus, donc de, on va dire, aller mai 44 jusqu'à avril 45, où de toute façon Himmler, il cherche déjà à sauver sa peau quelque part. Voilà. Et je pense que là, il y a une stratégie qui est se démarquer. Ça veut dire, pardon, beaucoup, mais ça, ouais. ça veut dire que les demandes de Kersten avant cette période-là sont moins faciles à obtenir. Oui, parce que l'Allemagne, là, c'est clair qu'à partir de mai 44, c'est fini. Ouais. Enfin, il va plus. C'est pas que c'est. Enfin, c'est fini. On peut pas le dire comme ça, mais disons que on est clairement dans le second versant. Il y a plus de victoire. On est après Stalingrad. Ça a été rappelé par Stéphane Martens. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est un paramètre très important parce que c'est ce qui est très difficile pour Himmler, c'est qu'il faut mener ça très secrètement parce que si Hitler l'apprend, Himmler risque de perdre sa position, qui est la seconde dans l'ensemble du Reich. Himmler, et on sait à quel point ils tiennent à leur position ces dignitaires autour d'Hitler qui seraient prêts à s'entretuer pour ça. C'est ça, c'est, ouais. c'est ce que décrit Kershaw, il dit, c'est le pouvoir charismatique. Hein. C'est-à-dire, ça dépend que de Hitler. Himmler, c'est quelqu'un qui, au moment donc, où intervient Kersten, il cumule plein de choses. Il est, ça a été dit plusieurs fois, il est chef de la SS, mais ça c'est depuis longtemps, depuis 1929. Il a ensuite, depuis 1936, il est chef de toute la police. Les deux n'ont jamais fusionné, mais à travers sa personne, c'est la même personne qui est au sommet de la SS, comme... Et de la police. Et de la police allemande. Ouais. Et donc ça, c'est un... La police et l'appareil de renseignement. Donc ça, c'est un gigantesque centre de pouvoir qui est à Berlin. Par ailleurs, il est, à partir de 1943, il est ministre de l'Intérieur du Reich. Donc là, c'est vraiment typiquement le système nazi. On confond fonction partisane, c'est-à-dire ce qui relève du parti nazi, et fonction de l'État. Et à cela s'ajoute, à partir de l'été 44, des fonctions militaires, puisque au lendemain de l'attentat raté contre Hitler du 20 juillet 44, il est nommé Himmler chef de l'armée de réserve. Ouais. Donc ? Donc, ça cumule inégalé, j'allais dire, par les autres, rivaux potentiels, parmi tous les dirigeants nazis, c'est le seul qui cumule autant à ce moment-là. Donc, il risque gros. On se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Arthur H. qui chante La vie. À l'origine, tout résonne, tout resplendit, tout s'illumine, tout s'envole. Un arbre, un océan, un orage, un enfant. Tout croît, tout grandit dans l'éternel printemps. À l'origine, une caresse qui te traverse, un regard qui t'éclaire et te protège. À l'origine, quelqu'un qui te prend par la main et qui te murmure la vie. La vie t'a choisi. La vie t'a choisi. À l'origine, une peur qui s'est comme incrustée et qui tourne dans l'absurdité. Un coup mauvais sous ta peau tatouée, une mémoire malsaine qui t'a contaminé. Et l'amour qui soudain se rétrécit, et la flamme qui s'éteint, qui s'obscurcit. À l'origine, quelqu'un qui te lâche la main et qui te dit la vie. La vie t'a trahi. Oh, la vie. Tout résonne, tout resplendit, tout s'illumine, tout s'envole. Un arbre, un océan, un orage, un enfant. Tout croît, tout grandit dans l'éternel printemps. Alors tu retournes ton regard au-dedans et tu vois la beauté qui n'est jamais abîmée. Et c'est toi qui tend la main, la vie. La vie t'a repris. Oh, la vie t'a guéri. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Marie-Bénédicte Vincent, avant Joseph Kessel, avant son livre, Kersten n'était pas forcément très connu. Et le livre de Kessel est écrit en 1960, donc c'est pas juste au lendemain de la guerre. Qu'est-ce que ça nous dit ce délai pour le témoignage entre les faits et le moment où on en parle? Je dirais que c'est très intéressant quand on s'intéresse à l'histoire de la mémoire du nazisme. Il y a plusieurs moments mémoriels. Donc un très grand et le premier, c'est le moment Nuremberg. Sont jugés les criminels de guerre dont ne fait pas partie Himmler puisqu'il est déjà il s'est suicidé, donc oui. Il n'a pas été jugé à Nuremberg. Comme Goebbels qui s'est suicidé. En revanche, donc un deuxième moment, c'est justement le début des années 60, et on dit quelquefois c'est le moment Eichmann. En disant ça, on pense au procès de 1961 à Jérusalem. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est un moment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le procès Eichmann, mais disons que c'est symbolisé par le procès Eichmann. C'est un moment où, dans l'évolution de la mémoire, on va remettre au centre le génocide des Juifs. Ce génocide des Juifs, il n'a pas été absent du procès de Nuremberg. Le procès de Nuremberg, c'est un procès qui veut juger la totalité du régime nazi, dans toutes ses composantes, que ce soit la préparation de la guerre, l'agression des pays européens, le régime nazi, ses crimes, mais il y a beaucoup de composantes. Le moment Eichmann, en 1961, on va... La focale, j'allais dire, c'est le génocide des Juifs. Et donc, ce n'est pas un hasard si le livre de Kessel, je rappelle que Joseph Kessel était présent au procès de Nuremberg hein, comme journaliste. Donc, il connaît bien ces sujets. Et donc, ce n'est pas un hasard si ce livre-là sort en 1960. C'est un moment très particulier, donc, où, sur le devant de la scène, revient quelque chose qui n'a jamais été totalement absent, mais qui n'était pas au centre, qui est donc la question de la Shoah. Et depuis, à partir de ce moment-là, les années 60, et ça correspond d'ailleurs aussi à une nouvelle vague épuratoire, hein, on va rechercher, à partir des années 60, on dit il y a beaucoup de nazis impunis, et donc ça correspond à une nouvelle relance des procès et des recherches de criminels nazis. Concernant Kersten, un mot sur la véracité de tout cela. Bon, Kessel est un écrivain sérieux, c'est bien qu'on puisse dire. Il n'aurait pas véhiculé une histoire fausse, certes. Mais on dit que Kersten a plus ou moins enjolivé. Que dire de la véracité de ces témoignages? Alors, c'est sûr que les dialogues sont réinventés, plus ou moins. Enfin, c'est-à-dire que c'est une œuvre, ça reste réécrit après. Mm-hmm. Donc, évidemment, dans le livre Les Mains du Miracle, on a les dialogues même entre Himmler et son masseur. Ça, on peut supposer qu'il y a une part qui est inventée. Maintenant, les faits sont vrais. Et ça croise avec d'autres... on sait que d'autres hauts dirigeants nazis ont eu la même stratégie que Himmler, alors peut-être à une échelle un peu moins développée. Ils ont tenté la même chose, c'est-à-dire se dire on se sert des juifs pour essayer de s'attirer les bonnes grâces des alliés occidentaux. Alors, ce qui est intéressant là avec le cas de Himmler comme avec Kaltenbrunner, c'est que c'est pas tous les juifs. Faut pas faire de Himmler quelqu'un qui va se reconvertir brutalement en se disant ouais non, vraiment c'est horrible ce qui leur arrive. Non, c'est certains juifs, ceux qui intéressent l'étranger. C'est ça, c'est très intéressant. Et d'ailleurs c'est bien dit dans votre documentaire, c'est pas tous les camps de concentration qui sont concernés. Non. C'est ceux dans lesquels il y a des prisonniers étrangers, des détenus étrangers et notamment des juifs étrangers. Donc on va retrouver Bergen-Belsen. On va retrouver Ravensbrück pour les femmes, on va trouver Theresienstadt, Thérésine, hein, où il y a des juifs célèbres. Dans les nazis, il dit les prominenten, c'est les juifs renommés, soit artistes, intellectuels, journalistes, etc., écrivains. Donc, c'est eux qui comptent. Et Himmler dit il y a des juifs utiles pour la négociation, et il y a des juifs inutiles. Les juifs hongrois continuent d'être exterminés pendant ce temps. Donc, dans le même temps où Himmler négocie, ou plus exactement Kersten négocie de sauver quelques juifs, quelques milliers de juifs, je ne dis pas que c'est rien, hein, toute vie compte. Hein. Bien sûr. Mais dans le même temps, les gazages à Auschwitz continuent. Et 44, c'est les gazages notamment des juifs hongrois, ça donne un caractère industriel à la Shoah. C'est des images qu'on a de la Shoah industrielle. Ouais. Les derniers gazages, c'est novembre 44. Donc les négociations, j'allais dire, ça a commencé, on va dire, allez, en mai 44. Ça veut dire que dans le même temps, vous voyez, certains juifs vont être sortis parce qu'ils sont utiles et ça permet de dire, vous voyez, on fait des efforts. Et dans le même temps, ce qui paraît un peu contradictoire, eh ben la Shoah se poursuit. Parce que dans le fond, Himmler, il n'a pas renoncé à son idéologie raciste. Il nous reste que 15 secondes. Un livre sur Kaltenbrunner, pourquoi lui ? En quelques secondes. Kaltenbrunner, c'était le numéro 2 après Himmler. Après la mort de Heydrich en juin 42, le poste est resté vacant jusqu'en janvier 43. Et Himmler choisit un anti-Heydrich pour remplacer. Ce fut Kaltenbrunner. Et il n'y avait pas de livre en français sur lui, donc j'ai eu envie d'écrire cette biographie. Dont acte. Merci. Merci infiniment, Marie-Bénédicte Vincent. Au revoir. Au revoir, merci. C'était Affaires Sensibles. Aujourd'hui, Massé pour sauver l'histoire de Félix Karsten. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Mathieu Bérény.